la perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Voici le quatrième épisode d'une série d'émissions consacrée à un bilan des années 70 dans les nuits magnétiques de Laure Adler et Alain Weinstein. Après l'enthousiasme utopique des premières années, cette décennie se révéla celle des désillusions et d'un certain nombre de malentendus. Crise politique, lendemain qui déchante et retour, ou plutôt permanence, du sentiment religieux. Voici quelques-uns des thèmes abordés dans cette émission. Je suis arrivé à Paris, je venais d'Algérie, et donc je suis venu tout de suite à Pigalle, où j'ai travaillé immédiatement dans une association de prévention, immédiatement. J'arrivais de mon avion, la caravelle m'avait ramené de la fleur d'oranger de mon presbytère, parce que mon presbytère donnait de la fleur d'oranger et citronnier, et d'un seul coup la tourmente de Pigalle, je me souviens, cette expression extraordinaire de passer de ce climat algérien merveilleux à la putréfaction un peu de Pigalle, ce bruit, ce monde incroyable. Première nuit, je l'ai passé à Pigalle avec des jeunes et avec des éducateurs qui étaient là, justement, qui me prenaient dans leur équipe à ce moment-là. Toujours les petites annonces. souvent d'un œil distrait. Un samedi, elle tombe sur un message ainsi rédigé. Pierre, 24 ans, en prison depuis 6 ans, sort lundi après-midi. Merci. Le week-end passe et ce SOS si discret la poursuit. Elle hésite. J'y vais pas. Toute l'après-midi du lundi, finalement, elle attendra en face de la prison. Elle ne sait toujours pas pourquoi. En tout cas, elle était la seule à avoir entendu le message. La nuit tombée, elle l'invite à dîner. Elle le trouve timide, gentil. À minuit, elle n'ose pas le laisser. Il est seul, ne connaît personne. Elle vit avec des amis, des enfants, dans un grand appartement. Il y a une chambre de libre. Il y dort une nuit, deux nuits, trois nuits. Il se fait accepter par les enfants, puis par les amis. Elle a peur qu'il s'installe et lui dit « Tu peux rester 3 mois, le temps de trouver un travail, d'avoir de l'argent. » Le temps passe. Il trouve un travail. Les enfants l'adorent. Les amis aussi. Un soir, elle rentre. Devant la porte, un énorme bouquet de fleurs. Une carte accrochée. Un seul mot. Merci. 3 mois s'étaient écoulés. With their bodies touching each other, holding hands in the moonlight. There was silence between them. So profound was their love for each other, they needed no words to express it. And so they sat in silence. Ce soir, l'opinion de Guy Gilbert, l'opinion de Philippe Boucher, l'opinion de Georges Kiegeman, l'opinion d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Mon évolution, moi, a été considérable parce que, premièrement, j'ai commencé donc à travailler très vite dans la rue. Et puis, il y a eu une date importante dans ma vie, c'est un soir où j'étais avec une bande de jeunes. Et j'avais dû certainement ne pas être délicat dans ma façon d'intervenir auprès d'un jeune qui était chef de bande. Qui m'a insulté, je me suis jeté sur lui, j'étais obligé de le faire, parce que si dans la rue tu ne réponds pas à l'insulte par les coups, t'es considéré comme une bille, un pauvre con, donc tu dois te casser. Alors pour rester, j'ai senti immédiatement qu'il fallait que je me frappe, alors que je suis contre la violence, si tu veux, cette violence-là. Et peut-être que je leur apprenne aussi, en me frappant très violemment ce soir-là, que j'étais obligé de rentrer dans leur code de violence, d'affrontement, mais que pour être un homme, ce n'est pas forcément avec son poing qu'on l'est. Mais je me suis battu très violemment pour me défendre et laver l'insulte. Le mec était 10 fois plus fort que moi, donc je me suis fait étendre, les arcades soulières ouvertes, c'était ensemble, mais je crois que l'or, c'était un moment capital de ma vie, ça. Parce que j'ai senti, premièrement, qu'il fallait rentrer humblement dans ce monde de la rue et ne pas t'imposer, et que accepter aussi certains codes qui sont à eux et qui sont nécessaires. Ma pauvreté a été très grande. Je me souviens quand je suis revenu dans le bar 2 jours après, alors que j'avais été pansé, et je me disais comment vont-ils me recevoir. Les mecs avaient le nez dans leur bière et j'ai senti qu'au fond, ils étaient un peu honteux de ce qui était arrivé, mais en même temps fiers. Et un gars m'a dit « Tu es l'un de nous ». Mais 10 ans après, je dis que je suis l'un d'eux, mais pas comme ils le voulaient, si tu veux. Parce que je ne suis pas un casseur, je ne suis pas un gars violent. Je suis resté avec mes racines profondes, évangéliques, si tu veux, de prêtre et de chrétien. Mais avec, j'ai accepté aussi ce côté violent dont ils avaient besoin. J'ai vécu aussi cette agressivité amicale avec laquelle j'essaie de les aimer parce que c'est très important pour eux. Ils n'ont connu que la violence et la haine et trop de douceur est pour eux quelque chose dont ils ont peur. Ils sont acclimatés à la violence et à la haine, mais désorientés par le fait d'être aimés, si tu veux. Alors tout ça, je crois que je l'ai vécu il y a 10 ans, en l'espace de quelques heures. Et puis après, bien, j'ai eu 10 ans pour le vivre. Donc j'ai passé très longtemps dans les rues, pendant un ou deux ans, complètement seul dans les rues, pour pouvoir vivre dans les bars, dans les métros, dans la rue, là où ils vivent. Et c'est là où j'ai rencontré tout un peuple. Je me souviendrai de Jackie, il est mort depuis, mais c'est Jackie qui était peut-être un des signes les plus importants. Et je l'avais rencontré un soir au cours d'une virée en moto. J'ai vu avec des copains qui discutaient une affaire, de une sale affaire. On a discuté, il m'a expliqué son affaire. Ils étaient en jean propre, et un dimanche, et dans la cage d'escalier, c'était le seul endroit qui était réservé, ils n'ont rien d'autre. Alors ils discutaient très violemment, et très fort, ensemble, comme des mômes de notre temps. Et puis la vieille du premier étage leur a dit, sale petit con, essayez de fermer vos gueules et tout. Bon, les mecs, va te faire enculer la vieille, enfin, un dialogue chaleureux comme on peut imaginer. Et puis, excédé, la vieille leur a envoyé de l'eau de Javel sur eux. Donc les mecs sont montés à l'assaut de l'étage, ont forcé la porte. La vieille a appelé le police secours en disant qu'il y avait peut-être un semblant de tentative de viol. Elle avait 75 ans et les mecs ne l'avaient pas touchée, mais enfin, elle avait peut-être quelques espérances. La pauvre, elle avait dit ça. Bon, les flics n'ont pas accepté ça, évidemment, il n'y avait rien, ils ne l'avaient pas touchée, mais ils avaient fracturé une porte. Alors j'ai donc été, j'ai réussi à voir avec les gars, ils ont réparé la serrure, etc. Et à la suite de cette intervention, Jackie est venu me voir plusieurs fois. Et j'ai d'ailleurs conservé la caisse chez moi, enfin le banc sur lequel il était assis, parce qu'il venait une fois tous les 2 mois étudier qui j'étais et passer 2 ou 3 heures avec moi. Et puis un jour il m'a dit, viens voir les copains. C'est comme ça que je suis rentré dans une bande très importante du 19e. C'est ces contacts-là, si tu veux, en attendant beaucoup, qui m'ont permis ensuite de rentrer à l'intérieur de bandes importantes. Et parce que ce sont eux qui nous donnent la possibilité d'y rentrer, c'est pas nous qui devons y rentrer. Parce qu'on est éducateur de rue, quand on aura forcément dans une bande. Je crois que il faut qu'ils nous fassent l'honneur d'aller chez eux. Voilà. D'être reçus chez eux. C'est comme ça que j'ai ressenti, mais les points sous la gueule que j'ai reçus au départ ont été essentiels pour ressentir ça, si tu veux. Voilà. Je devais être un pauvre comme eux, déclassé comme eux, et parfois me battre à point nu comme eux, par respect et je dirais par amour pour eux. Maintenir les aspirations de la jeunesse, qui sont certaines, qui sont intenses, en dehors de la vie politique et des responsabilités civiques, c'est vouloir contenir la jeunesse dans l'irresponsabilité ou l'abandonner à la contestation. Lui permettre à cette jeunesse d'accéder à la majorité politique et rapidement à la majorité civile, c'est lui offrir une chance. Quelle chance? La chance d'un engagement positif. Je dirais qu'à mes yeux, l'esprit de cette loi sur les 18 ans est d'instituer au service de la jeunesse une sorte de pédagogie de la responsabilité. En 70, il y a au fond deux virtualités législatives. Il y a une virtualité répressive et une virtualité libérale. La virtualité libérale, c'est d'une part la loi sur l'autorité parentale, qui est promulguée, comme on dit, le 4 juin 70, ou le 8, disons le 8. Qui est promulguée en juin 70 et qui est le début de la reconnaissance de l'égalité entre l'homme et la femme. Avant même qu'il n'y ait, en France du moins, de grands mouvements féministes, si tant est qu'il n'y ait jamais eu en France de grands mouvements féministes, non pas autant qu'en dans d'autres pays, on reconnaît à la femme, et pas seulement à l'épouse, autant de droits que l'homme dans la vie quotidienne, et parfois même plus. Puisque, dans le cas de l'enfant naturel, ce qui n'est quand même pas un cas marginal, dans le cas de l'enfant naturel, la femme, la femelle, je dirais, a plus de droits que l'homme, je veux dire le mâle. Ce qui est évidemment une phase libérale. Un peu plus tard, on aura aussi, en 72, une loi sur la filiation, qui est, elle aussi, une loi concrète, qui, plutôt que d'édifier des normes correspondant plus ou moins à la réalité, part de la réalité et fait en sorte que la loi, sans être la reconnaissance de Dieu des hommes, que la loi tienne compte de ces réalités et leur donne un tour légal. Tout ceci se poursuivra aussi avec les débuts de l'actuel septennat finissant, si j'ose dire, où on vote la loi dite sur l'interruption volontaire de grossesse, la loi sur l'avortement, la loi Veil, et la loi sur le divorce, et la loi sur la majorité civile à 18 ans, ce qui par parenthèse était assez normal, puisque il y avait déjà une majorité pénale à 18 ans, et on comprenait pas très bien pourquoi les gens avaient le droit d'être condamnés, mais n'avaient pas le droit de voter. C'est assez normal qu'on ait aligné les deux lois, d'autant qu'on n'était pas les premiers à le faire. Il est évident qu'au cours des 10 dernières années, la justice a évolué. Ce qui est plus difficile de savoir, c'est si elle a progressé ou si elle a connu une régression constante. Georges Guzman. Dans le domaine des droits civils, on pourrait enregistrer des progrès. Ce n'est pas complètement nul de noter que la majorité civile, précisément, a été abaissée à 18 ans. Mais au-delà de ce progrès, est-ce qu'il y a également un abaissement de la majorité économique qui serait peut-être plus significatif ? À l'évidence, non. Et si les jeunes gens peuvent aujourd'hui se passer du consentement de leurs parents dès l'âge de 18 ans pour se marier, accomplir un certain nombre de contrats, est-ce que dans la pratique ils le peuvent ? Personnellement, j'en doute. Dans ce domaine de la vie civile, ce qu'il faut noter également, c'est bien sûr la reconnaissance de ce qu'on appelle les droits de la personnalité, plutôt que les droits corporels, que sont les droits immobiliers, le droit de posséder une maison, un immeuble, un appartement, ou le droit de posséder un portefeuille en bourse. Alors ces droits de la personnalité, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est le droit à son image, c'est le droit à sa vie privée, et bien sûr, il s'agit là de notions tout à fait nouvelles qui n'existaient pas au XIXe siècle et qui ont commencé à se faire jour dans les décisions des tribunaux sans qu'un texte légal les reconnaisse à partir des années 60. Mais c'est précisément il y a exactement 10 ans, le 17 juillet 1970, qu'une loi qui avait pour objet général de renforcer les droits individuels a reconnu cela, ces droits de la personnalité, ce statut de la vie privée qui est désormais inclus dans l'article 9 du Code civil, qui est encore aujourd'hui, vous le savez, le Code Napoléon. Alors, dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on peut encore noter au cours des 10 dernières années, dans ce domaine, encore une fois, du droit civil ? Probablement beaucoup de choses qui intéressent la vie quotidienne, des modifications de la jurisprudence ou de la loi en ce qui concerne le contentieux des accidents, de la responsabilité civile, mais au niveau des grands principes, c'est insignifiant. La propriété reste la propriété, nous n'avons pas encore inventé des biens plus précieux qu'elle. Vrai que personne ne peut éprouver une satisfaction profonde à défendre un tel texte, le meilleur possible à mon avis, sur un tel sujet. Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celles dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Alors ça, c'est une évolution libérale qui ne s'est pas interrompue et qui s'est même renforcée quand on est passé d'un septennat à l'autre. Et puis, il y avait la tendance ou le courant répressif. Et c'est une loi qui a fait couler énormément d'encre, qui était la fameuse loi anti-casseurs, qui a été votée au Parlement et promulguée le 8 ou le 4, d'où mon lapsus de tout à l'heure, juin 1970. On sait ce que c'est que la loi anti-casseurs. C'est ce qu'on appelle en termes savants la responsabilité pénale du fait d'autrui. Alors à l'époque, on avait promis que ce ne serait que pour les méchants qui font des dégâts, des étudiants. C'est bien ça que ça visait, les jeunes, les étudiants. Mais que jamais, au grand jamais, on ne l'appliquerait, par exemple, à des syndicalistes. Inutile de vous dire que les promesses qui n'avaient pas de force légale n'ont pas été tenues et qu'on a vu notamment à Vénissieux, la mémoire ne me trahit pas, des syndicalistes poursuivis en vertu de la loi anti-casseurs. Et cette volonté répressive, eh bien, elle a continué et elle s'est croisée d'une certaine manière au début du septennat actuel. Working, talking to myself. Oh, let nobody else. I see the lights down below. When some swell as they go. DJ and leopard skin. Face all drunk. Que dans le domaine de la justice pénale, beaucoup de gens qui avaient été prisonnier politique qui était revenu des camps de déportation, qui avait fait une connaissance directement avec l'état de séquestration, était revenu avec des projets généreux. Il pensait que ce qu'il fallait avant tout, c'était favoriser l'amendement du condamné, c'était assurer sa réinsertion sociale. Eh bien, tout cela a été balayé. Aujourd'hui, pour assurer la sécurité prétendue menacée des citoyens, on ne se préoccupera que d'élimination. Et la peine, désormais, ce sera ça. Un moyen d'éliminer quelqu'un qui, certes, avait une responsabilité personnelle individuelle, mais qui, dans la plupart des cas, était aussi, à sa manière, une victime de notre organisation sociale. Eh bien, ce statut mitigé de la peine autrefois, qui faisait que la société à la fois punissait et se sentait tenue de redonner sa place en son sein à celui qu'elle avait condamné, eh bien, va disparaître, je crois, inexorablement. Et ce qu'il faut noter encore, c'est qu'on prétend que par l'effet des magistrats, notre justice est de plus en plus laxiste, de plus en plus indulgente. Eh bien, pas du tout. Au cours des 10 dernières années, sauf certaines très brèves périodes de reflux au demeurant minime, on a vu croître le nombre des condamnés et surtout des détenus, fût-ce à titre préventif dans nos prisons. Vous savez qu'il y a quelques semaines, on a battu un record historique. Il y a actuellement, dans les prisons françaises, plus de 40 000 détenus. Alors, est-ce que pour autant, les citoyens sont rassurés? Je ne le crois pas, puisque chaque jour, les grands moyens d'information tendent à propager des nouvelles qui accroissent cette insécurité. Aujourd'hui, le moindre crime est répercuté dans tous les coins de la France, ce qui n'avait évidemment pas été le cas au cours du 19e siècle ou même à l'époque de ce qu'on appelait la TSF dans les années 30. On peut dire qu'avec la télévision, l'insécurité est permanente d'une certaine manière, mais c'est une insécurité qui est perçue. Ce n'est pas une insécurité réelle plus grande. Et cela, il n'y a guère que des gens comme Simone Veil qui, de temps en temps, le disent à la télévision. Ceux qui auraient qualité pour le dire, évidemment, ne sont pas entendus pour la bonne raison qu'ils ne sont pas invités. Le gouvernement a complètement démissionné dans cette mission qui devrait consister à renforcer le sentiment de sécurité des gens. Et on le comprend parce que là, le pouvoir politique, quel que soit ceux qui l'exercent, tirent toujours profit du sentiment d'insécurité dans la mesure où il justifie sa propre mission, qui est une mission d'ordre. La prison est excellente pour les détenus. Ils ont tout le confort que les vieux n'ont pas. Ils ont tout au point de vue sportif, terrain de football, terrain de basket, terrain de pétanque et la télévision. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même punis d'avoir commis un acte. Et pourquoi qu'on leur donnerait le SMIG et etc. Quand on est puni, on doit quand même subir sa punition avant de revendiquer. Nous sommes parqués comme des bêtes. Nous n'avons aucune initiative. Le détenu qui a tant soit peu de personnalité est considéré comme un meneur dangereux. On l'isole de ses camarades. En un mot, il faut être un mouton pour être bien en prison. Bien, tout est relatif, bien sûr. J'aurais tendance humainement, étant passé par là, de leur donner raison parce qu'ils se révoltent. Ils se révoltent des conditions de vie. C'est pas encore uniquement une question de vie. Bon, la radio, c'est très bien. Le cinéma, c'est très bien. On travaille, c'est une occupation, même si le détenu n'est pas fort payé. Mais alors, ce qui est pénible, ce que beaucoup n'admettent pas, c'est la bêtise, l'immoralité, si je peux employer le mot immoralité, la connerie des gardiens. Marketplace. Guy Gilbert, prêtre Loubard, comme il s'appelle lui-même, et qui travaille dans la rue, à Paris, dans le quartier de la Villette. Il y a des agressions souvent commises par des jeunes beaucoup plus jeunes. Avant, c'était des grands truands qui agressaient, qui faisaient très très mal, mais maintenant, des jeunes beaucoup plus jeunes le font. Il y a une espèce de dégradation qui m'a surpris et qui me semble liée à un climat de violence, un climat profondément répressif en France, où les jeunes sont de plus en plus violents et donc commettent des actes beaucoup plus violents, mais beaucoup plus jeunes, si tu veux. Avant, des gars de 14, 15, 16 ans n'agressaient pas comme ils le font maintenant. Ça vient d'un tout un climat de violence qui a monté en 10 ans, qui est très très fort, à moi, à mon sens. Et qui les rend très violents et en commettant parfois des actes qui sont dangereux. Il y a le chômage, il y a tout ça qui joue, évidemment, de façon très forte. Beaucoup de jeunes sont ravalés à la rue, très jeunes, beaucoup plus qu'avant, finalement. Mais c'est les mêmes détresses, c'est les mêmes solitudes, c'est les mêmes trahisons à la maison. Ils n'ont pas trouvé un monde adulte qui les aime profondément, qui s'attache à eux, qui les regarde le soir quand ils rentrent. Alors, ils vont chercher dans la rue, justement, ça, et ils trouveront une solidarité, un sens du partage extraordinaire, mais ils trouveront en même temps d'autres solitudes, d'autres trahisons très, très, très grandes. La plus grande pauvreté, ce n'est pas du tout d'avoir de l'argent ou pas, c'est de n'être aimé par personne. Loubard, moyen que je rencontre, ceux qui peuplent les prisons, ce sont d'abord des jeunes qui ne comptent pour personne, si tu veux, qui n'ont aucune racine, ils ne sont aimés pour personne, aucune racine familiale, affective et autres. Alors c'est ça pour moi. Et en 10 ans, ça n'a pas changé. C'est le même drame, c'est les mêmes manques, la même solitude, les mêmes trahisons au niveau affectif, les mêmes laissés pour compte. On peut toujours attaquer la police, enfin en France on le fait très volontiers. Moi je dis que nous avons la police que nous méritons. Nous sommes un peuple de plus en plus réactionnaire et nous avons donc la police que nous méritons. Enfin, je note quand même en l'espace de 10 ans un nombre de bavures de plus en plus absolument affolant. Hein? Ces bavures, premièrement le terme est infect. Bavure, pour moi, c'est simplement des actes graves qui sont du ressort des assises, qui sont commis par des policiers et qui sont du ressort d'une certaine délinquance policière. Mais je pèse mes mots, parce que, tu vois, un gars, Mohamed, 22 ans chez nous, a été attaqué violemment pour rien, parce qu'il défendait un mineur que des flics tabassés. Bon, les flics lui ont simplement cassé le pouce de la main droite et lui ont fait éclater le tendon de la main gauche. Ça fait 2 ans que ça dure, on n'a pas trouvé les coupables, c'est du ressort des assises. J'ai défendu aux assises, il y a pas quelques temps après, 2 jeunes qui avaient attaqué une bijoutière qui lui avait cassé le poignet, ils ont eu 7 ans de réclusion. Tu sais que les flics dans mon quartier qui ont traîné quand même 2 petits loubards qui étaient sur une moto qui avait brûlé un feu rouge et ils les ont arrêtés, ils les ont, avec des menottes, enchaînés aux portières arrière de leur bagnole de police et traînés à 60 à l'heure sur 300 mètres, hein, c'est quand même incroyable. Ils ont eu 800 francs d'amende et 3 mois de prison avec sursis. Moi je dis que c'est du domaine des assises. Alors, il y a une dégradation qui vient certainement au niveau de la formation des policiers qui est tout à fait médiocre. De la violence du chômage. 1 500 000 chômeurs, ça atteint les plus jeunes d'entre nous. Tous les mômes de 16 à 18 ans, on va voir s'ils vont bosser, on ne peut pas leur trouver de travail. Alors évidemment, un portefeuille un soir sur le bord d'un comptoir, etc., il y a une propension à voler beaucoup plus grande qu'avant. C'est quelque chose qui passe dans les mœurs actuellement, mais qui n'est pas uniquement fait par des loupards, mais par des tas d'autres jeunes. Il y a une évolution dans ce sens-là très importante. Depuis 4-5 ans, les effets de chômage sont, je le sens, en tôle. Je peux aller n'importe où en France, les prisons regorgent de mecs et de filles. Autre facteur important que j'ai rencontré, qui est très important, c'est la drogue qui a envahi les quartiers. Dans le quartier où j'étais, il y a 10 ans, il n'y avait pas de drogue. Maintenant, c'est envahi. C'est absolument incroyable. Incroyable, l'invasion de la drogue dans notre quartier, dans le milieu délinquant. Ah, évidemment, des mecs se disent simplement, faire des cas, ça fait du bruit, etc., faut ramener des meubles et toute la merde et la télévision chez des gens, enfin, il y a des tas de chances de se faire prendre, alors que passer un peu d'héroïne, etc., évidemment, c'est à moindre frais, il y a une somme beaucoup plus considérable, et voilà. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là que la drogue est ventile, enfin, on connaît quand même le fait qu'un drogué, à partir du moment où il en compromet plusieurs, arrivera à avoir sa drogue gratuite, il en vend, etc. C'est ça le drame de la drogue. Mais je note dans mon quartier en disant une énorme l'importance de la drogue et dont les autorités ne prennent pas conscience. Alain Perfitte, ministre de la Justice, et Jean-Paul Moreau, secrétaire d'État. Le président du tribunal a répliqué implicitement aux dernières déclarations du procureur général de la Cour d'appel de Paris. Prenant l'exemple des juges des enfants, le président du tribunal, Madame Simone Rosès, s'est en particulier interrogé sur le rôle des magistrats à l'égard de la délinquance et elle a répondu. À chaque minute de sa vie, le juge des enfants est confronté à ces jeunes en crise, à ces adolescents dont, notons-le au passage, personne ne sait plus que faire, à commencer par les parents. Et on exigerait souvent de lui qu'il efface, par la seule vertu de sa présence, tous les échecs de ces gamins et gamines, et qu'enfin, il nous débarrasse une bonne fois de ces voyous qui nous encombrent et seront demain dans nos prisons. La réalité est tout autre. Elle n'entre pas dans le moule de l'évidence et de la certitude. Elle échappe totalement aux théories, qu'elles soient laxistes ou répressives. Elle est la vie. On fout les mecs en prison maintenant à une vitesse absolument folle. À Fleury-Mérogis détient 4600 détenus alors qu'il doit en tenir que 3600. Et je redis encore, c'est que l'analyse que je vois en 10 ans, c'est que des jeunes rentrent en taule, les défauts en sortent. De façon absolue, ça c'est... En France, nous sommes à des taux de récidive le plus important en Europe, d'Europe. C'est-à-dire que 50% des jeunes qui vont en taule recommencent. Les pays scandinaves où il y a pratiquement une récidive nulle. Ça veut dire que dehors, ils ont des tas de gens qui sont là, prêts à attendre le gars. D'abord, ils ne les mettent pas en taule systématiquement. Enfin, quand tu vois des mineurs mis en taule systématiquement, c'est à se taper d'ailleurs au plafond pour des vols misérables et autres qui croupissent pendant 3 ou 4 mois... Leur délinquance se bâtira en taule à ce moment-là. Enfin, il y a une note quand même d'espérance. Il y a des juges quand même qui commencent à sortir, je crois, du fait de croire que le vol doit être sanctionné absolument. Et qui pensent, on les juge scandaleux en France, mais qui pensent qu'il est plus important pour nous de savoir pourquoi des gens volent que de sanctionner le vol. Alors, je crois que, en 10 ans, j'ai remarqué, j'ai rencontré parfois dans les palais de justice des juges qui, à la limite, défendait presque autant le mec que l'avocat. Mais que l'avocat défendait... Je trouvais ça extraordinaire. Hein. Mais il y en a peu. La plupart sont débordés par les dossiers, ou alors c'est la répression absolue. Il faut absolument foutre cette graine de violence en prison, et parce que c'est comme ça qu'ils le pensent. Every night, 509, we crossed the pond. Là, on peut être pessimiste, parce qu'on ne peut pas modifier la justice par des textes. Des textes, par exemple, pour dire qu'il faut respecter la présomption d'innocence, il y en a peu, mais le principe est considéré comme constant, mais il n'est jamais respecté. Et des textes qui cherchent à tirer les conséquences pratiques de cette présomption d'innocence en disant notamment qu'il faut qu'il y ait le moins possible de détenus à titre préventif, il y en a beaucoup, et ils ne sont non plus jamais respectés. Personnellement, au cours des 10 dernières années, j'ai été frappé plutôt par des affaires qui montraient la dégradation du fonctionnement des institutions judiciaires. Notamment, j'ai vu plusieurs affaires qui ont marqué la disparition du droit d'asile politique en France. Et je pense à l'extradition de Klaus Croissant, je pense à l'extradition de Franco Piperno et d'autres militants étrangers qui croyaient avoir trouvé refuge en France et qu'on a renvoyé dans leur pays d'origine, contrairement à la lettre et à mon avis à l'esprit des conventions internationales qui existaient. Ce qu'on a pu voir dans certains procès spectaculaires, ce sont des choses contradictoires. Par exemple, on a pu voir à l'occasion du procès de Pierre Goldman, le second procès plus précisément, le seul dans lequel j'ai plaidé, celui qui s'est déroulé devant la cour d'assises d'Amiens, on a pu voir une prise de conscience par les jurés du rôle très important qui était le leur. Une espèce de volonté de participer directement à cette sorte d'enquête qui se refait dans la cour d'assises et qui aboutit à une décision. Eh bien, quand les jurés prennent à cœur comme ça leur travail, on peut espérer que, par exemple, un principe comme celui de la présomption d'innocence soit respecté et qu'on ne condamne personne au bénéfice du doute. Mais pour une décision qui a paru être un revirement, on pourrait en citer 10 autres qui montrent que finalement les jurés, dont le recrutement pourtant est devenu plus démocratique, plus représentatif de ce qu'est la société française, ont souvent œuvré dans un sens répressif. Mais là encore, il y a des périodes. Pendant un temps, on a surtout été frappé par le fait que ces jurés refusaient de condamner à mort. On l'a vu notamment dans des affaires graves, comme l'affaire Patrick Henry. Eh bien, on se rend compte qu'un juré qui, s'il était un citoyen soumis à une enquête de sondage, dirait qu'il est favorable à la peine de mort, cesse de l'être lorsque, au cours de plusieurs jours de procès, il prend conscience que c'est un homme qui est dans le box des accusés et que finalement ce box contient un homme qui est beaucoup moins éloigné de lui juré qu'il n'a pu l'imaginer lorsqu'il s'agissait d'un criminel abstrait. Et certains jurés se sont rendus compte que tel délinquant aurait pu appartenir à leur famille, que eux-mêmes, par un concours de circonstances, auraient pu tomber dans la criminalité. Et c'est ce qui explique que pendant longtemps, on a eu ce désaccord entre les sondages qui disaient que la grande majorité des Français étaient favorables à la peine de mort et les décisions de cour d'assises qui étaient en général des décisions de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, mais pas la condamnation à mort. Mais ce résultat qu'on pouvait croire irréversible, bien il est vrai, à son tour, a été remis en question par des décisions récentes et par le fait que, de nouveau, il y a 4 condamnés à mort dans les prisons françaises. Alors cet accord éclair fait dire bien sûr à beaucoup de commentateurs politiques ce matin qu'il a été bâclé car il était sans doute urgent de s'entendre et d'un seul coup le ton a changé. Écoutons par exemple comment François Mitterrand commentait dès hier soir cet accord. Le Parti Socialiste, le Parti Communiste et le Mouvement des Radicaux de Gauche décident le désistement réciproque de tous les candidats pour les candidats de gauche arrivés en tête au premier tour. Les trois partis, enfin, appellent leurs candidats et leurs militants à se mobiliser pour rassembler dans le même combat toutes celles et tous ceux qui aspirent à un véritable changement. Pas une voix ne doit être perdue pour la gauche. Tout doit être fait et partout pour battre la droite. Voilà, Georges Marchais, lui aussi, avait changé de ton. Il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait au départ, apparemment, c'est-à-dire négocier sur le gouvernement, mais il parlait malgré tout d'un bon accord. C'est un bon accord qui va créer incontestablement une dynamique considérable dans l'ensemble du pays pour le deuxième tour. Et je pense que des conditions sont créées par cet accord aussi pour actualiser le moment venu le programme commun comme nous en avons convenu. Par conséquent, il est bon à tout point de vue cet accord. Du côté de l'opposition, c'est évidemment la déception. Elle s'exprime de façon différente selon les hommes politiques, mais voici ce que déclarait dans la soirée François Mitterrand. Notre pays avait choisi l'union de la gauche lors des dernières élections cantonales et municipales. Il est clair aujourd'hui que l'espoir que celle-ci portait s'est brisé le 22 septembre 1977 sur sa désunion. L'histoire jugera comme il convient ceux qui en ont pris la responsabilité, n'hésitant pas à joindre leurs attaques violentes, incessantes, à celles de la droite contre le Parti socialiste. Le résultat est là. La France reste avec la même majorité parlementaire et garde les mêmes problèmes. J'imagine la tristesse des 15 millions de Françaises et de Français qui avaient cru au changement. C'est à eux que je m'adresse ce soir pour leur dire que quelle que soit la dureté du coup qu'ils reçoivent, rien ne doit atteindre leur résolution, comme je veux qu'ils sachent que rien n'entamera la mienne. On peut d'abord parler, il y a toutes sortes de sujets, du régime politique qui nous gouverne, et en France, qui du reste a des répondants à l'étranger. Il me semble que c'est assez intéressant. On a assisté au fond à la consolidation de la monarchie gaullienne. Emmanuel, le roi l'a duré. C'est-à-dire qu'en 1958 et en 62, le général de Gaulle, fort de son prestige et de la légitimité qu'il avait acquise à sa manière en 40, a fondé un régime présidentiel basé sur la prépondérance d'un homme du reste démocratiquement élu. Et ce régime, par le biais de la télévision, par le biais des élections suffrage universel, s'est perpétué jusqu'à maintenant. Je ne sais pas du tout si ça durera. Et nous avons actuellement ce qu'on pourrait appeler la cinquième race. Au fond, nous avons eu les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Napoléonides, et il faudrait dire maintenant les Gauliens ou les Gaulides, car notre président actuel n'est pas gaulliste, bien sûr, n'est pas gaulliste de stricte obédience, mais il se situe dans une légitimité dynastique qui a été représentée jusqu'ici par De Gaulle, Pompidou, Giscard. C'est sûrement pas le plus mauvais régime que nous ayons eu. C'est un... ça correspond à une tendance qu'on trouve dans d'autres pays comme l'Allemagne, les États-Unis bien sûr, et l'Angleterre, qui est une certaine personnalisation du pouvoir. Alors voilà un premier phénomène qui me semble fort intéressant. Cela ne veut pas dire que ça durera. One, two, three, four, five, six, one, two, three, four, five, six, one. Journal Le Monde. Date, celle d'aujourd'hui. Rubrique, idée. Titre de l'article, nous sommes en République. Auteur, Jacques Soustelle. Comme il est de mode aujourd'hui, alors qu'on s'approche de l'échéance électorale, de fronder à tout propos, y compris à propos du Larzac et des annuaires téléphoniques, point d'exclamation, certains feignent de s'alarmer. Nos libertés, selon eux, seraient menacées, voire déjà confisquées par un régime qualifié tantôt de fasciste, tantôt de féodal et tantôt de monarchique. À en croire certains, notre pays offrirait quotidiennement le spectacle d'expulsions abusives, d'arrestations arbitraires et de violations flagrantes du droit, et de dénoncer, tant qu'il est encore temps, ces atteintes aux libertés démocratiques. Oh, certes, je ne prétends pas qu'il n'y ait jamais en France, comme ailleurs, des actes d'arbitraire ou des détournements de pouvoir. Je ne ferme pas les yeux devant les abus d'administration bureaucratique, trop sûre d'elle-même et trop méprisante envers le citoyen. Mais tout de même, n'oublions pas le sens des proportions. Dans un monde où sévissent un peu partout les dictatures, les polices omnipotentes, les goulags, le terrorisme, qui peut prétendre que la France ne soit pas au nombre de ces pays, devenus rares, où règne la liberté d'opinion et d'expression? La violence même des critiques qui se déploient sans retenue démontre que cette liberté est respectée. On a parlé d'une nouvelle droite, d'une extrême droite, et même avec le crime de la rue Copernic, n'est-ce pas, d'un renouveau alors de mouvement quasiment nazi en France. Et même, j'étais aux États-Unis récemment, et une dame m'a demandé où en sont donc ces émeutes antisémites en France. Alors, j'ai levé les bras au ciel, je dis, madame, c'est pure sottise, il y a eu un crime, mais il n'y a pas d'émeutes antisémites en France, il y a des antisémites en France, et c'est déplorable. Il y en a aussi aux États-Unis, mais vous chercheriez en vain, à part dans vraiment des torches, pas des journaux extrémistes, tout à fait extrémistes, une presse antisémite comme il y en avait avant la guerre et des partis politiques antisémites comme il y en avait aussi. La situation a complètement changé de ce point de vue. En revanche, il y a ce qu'on appelle la nouvelle droite. Bon, moi, je suis absolument contre la nouvelle droite pour des tas de raisons. D'abord, parce que c'est pas sérieux, du point de vue intellectuel, puis ce sont des valeurs qui me sont profondément étrangères. Néanmoins, il faut quand même dire, bon, peut-être que dans le fond de leur cœur, ces gens-là sont antisémites, mais enfin, quand ils s'expriment là-dessus, ils se sont toujours totalement désolidarisés de ça, depuis quelque temps au moins. Donc, s'ils sont des antisémites, c'est pas du tout la façon d'Hitler qui s'affichait antisémite, ce sont des antisémites rentrés, en tout cas, ça fait quand même une différence. Mais je suis du reste même pas certain, ils l'ont peut-être été, je crois pas qu'ils le soient, donc moi je suis totalement contre eux, mais enfin, il ne faut pas les peindre pour ce qu'ils ne sont pas. Alors reste maintenant le problème beaucoup plus vaste, en effet, de la droite ou du centre, ou enfin de la crise de la gauche, la remontée de la droite, crise de la gauche, etc. Bon. D'une certaine façon, il est tout à fait exact que la gauche, enfin on va voir ce qui va se passer aux prochaines élections, mais en général, n'a pas le vent en poupe, et entre nous, elle le mérite bien. Elle a attaché son char, n'est-ce pas, à Brejnev. À un certain moment, avec cette idée de l'union de la gauche. C'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. Rappelez-vous quand même les déclarations de Marché sur l'Afghanistan, au moment quand, depuis Moscou, à propos. Et ça n'est pas raisonnable, n'est-ce pas, de se marier avec ces gens-là. Bien sûr, ce mariage est rompu, mais par la faute des communistes. Mais là, il y a eu crise de la gauche, mais cette gauche non communiste l'a un peu cherchée, il me semble. Alors, il est exact, je crois, tactiquement, stratégiquement, au fond, je ne sais pas s'il faut être à droite, mais il faut bien tenir le centre actuellement. Tout le problème est là. C'est-à-dire, prenez par exemple, pourquoi est-ce que Schmitt l'a emporté en Allemagne? Parce qu'au fond, il a su s'emparer du centre. Et il a su présenter son adversaire Strauss, qui ne reste pas un nazi, il ne faut pas exagérer, mais enfin, il a su le présenter comme une sorte d'aventurier de droite. Et donc, il a gagné. Prenons maintenant les États-Unis, la victoire de Reagan. Eh bien, Reagan est peut-être un homme qui vient d'une certaine droite ou d'une extrême droite, mais Reagan est un homme qui a su, à un certain moment, persuader les gens ou faire croire, à tort ou à raison, qu'il n'était pas l'extrémiste qu'on croyait et qui a eu donc des voix conservatrices, mais aussi des voix du centre. Cela dit, je reste fidèle à une idée qui me vient de la science politique de l'après-guerre. Je ne sais plus, je crois que c'est de Easton. n'est-ce pas qu'il n'y a pas deux, il n'y a pas un axe, droite-gauche, il y a deux axes, il y a une opposition. Droite-gauche, une opposition, liberté totalitaire. Par exemple, si vous prenez Staline, il est à gauche et il est totalitaire. Si vous prenez Hitler, il est à droite et il est totalitaire. Si vous prenez, qui ça par exemple, Attlee, n'est-ce pas, le leader travailliste d'après la guerre, il est à gauche et il est libéral. Si vous prenez Churchill ou De Gaulle, ils sont à droite et ils sont libéraux. Alors, moi je dirais que ce qui remonte, ça n'est pas la droite en soi contre la gauche, ce sont les forces d'un certain libéralisme contre le totalitarisme. En tout cas, il faut bien distinguer ces deux aspects. Oui, alors bon, ce qui a quand même toujours frappé en France, c'est le terrorisme allemand qui a fait la une des journaux. Daniel Cohn-Bendit. Bon, ce qui est quand même, je dirais pas significatif, mais ce qui saute aux yeux, c'est que les pays qui ont quand même subi le terrorisme, d'une manière ou d'une autre, ou les mouvements qui ont engendrer le terrorisme, c'est des pays qui ont un passé fasciste. L'Italie, l'Allemagne, le Japon. Enfin, disons. Et je crois que c'est très typique pour une génération, cette identification mythique à l'antifascisme. Le terrorisme est justifié dans une société fasciste. Donc il suffit de démontrer que la société soit fasciste pour pouvoir agir avec la violence, disons, de guérilla urbaine. Il y a un cercle vicieux entre l'idéologie fausse des terroristes et l'idéologie existante des sociétés qui combattent le terrorisme. C'est-à-dire, ces sociétés à la recherche de la sécurité à tout prix, en fait, sont prêtes à remettre en question toutes les libertés pour, justement, se défendre, soi-disant, du terrorisme. Mais en fait, pour se défendre de tout dysfonctionnement. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, qui soit dysfonctionnel, une agression dans la rue, une agression dans le métro, on répond par plus de sécurité. Et aujourd'hui, le concept de sécurité remplace la liberté. La liberté, c'est la liberté de vivre en sécurité. Et donc, je crois que dans le problème du terrorisme, il y a tout un sac de nœuds de bonne conscience qui s'affrontent. Il y a la bonne conscience des terroristes qui, au nom des exploités du monde, des damnés de la terre, du prolétariat, de que le monde est méchant, on a le droit de faire, je dirais pas n'importe quoi, mais de poser des bombes à droite et à gauche. De toute façon, c'est le tiers-monde qui s'émancipe contre les sociétés impérialistes, nous on vit de l'impérialisme, donc on est coupable, même sans être coupable, etc. Donc c'est tout est facile, tout est clair, du côté du terrorisme. La société allemande elle-même, qui a été quand même complice des Américains au Vietnam, elle aussi a bonne conscience, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas comment ses institutions, son fonctionnement, cette société du nucléaire et du rendement produit un dysfonctionnement, non seulement un dysfonctionnement, mais produit cette désespérance qui est en fait le moteur du terrorisme. Et l'extrême gauche, qui a bonne conscience, parce qu'elle ne comprend pas que le terrorisme aussi, c'est pousser jusqu'à une certaine radicalité ce désir de révolution. C'est-à-dire que toute autocritique qui n'a pas été fait ou de transformation d'idéologie permet ces théories des terroristes, disons, de la lutte armée. Et ce qui me frappe toujours, on dit oui, mais nous on veut pas, on est pour la lutte armée du peuple, comme si le peuple comme ça s'armait. Il y a toute une remise en cause de la politique, de notre politique traditionnelle, qui n'a pas été faite. Et je crois que c'est à ces trois niveaux qu'il faut combattre ce que j'appelle la bonne conscience du terrorisme et de l'antiterrorisme. Mao Tse-tung est mort cette nuit à Pékin des suites d'une longue maladie. Il aurait eu 83 ans. À la fin de l'année, la nouvelle a semé la consternation et la douleur dans toute la Chine. Début de la décennie, on espère beaucoup de la politique. Moitié de la décennie, on est déçu par la politique. Fin de la décennie, on se désintéresse du politique. Faillite des croyances idéologiques et politiques et remontée très forte de la religion. Emmanuel Leroy Ladurie. Alors sinon, évidemment, l'autre grand phénomène des années 70, c'est la, je crois, à l'échelle du monde, c'est la remontée de la religion. Je crois que c'est quand même tout à fait important. Ça s'est fait de façon assez variée. Je peux parler de ce que je vois. Il y a d'une part, bon, l'islam, évidemment, surtout chiite, mais enfin, le phénomène n'est pas borné à l'islam chiite, puisqu'on le trouve même, je crois, dans des pays comme l'Algérie et ailleurs, c'est-à-dire la remontée d'un fondamentalisme venu du fond des âges, qui a sa légitimité, il y a bien sûr une légitimité de l'islam, et... mais qui s'est traduit par certains aspects fanatiques, quelque peu déconcertants, symbolisés par le nom de Khomeini. Enfin, on peut aimer ou ne pas aimer, mais reconnaissons que Khomeini, c'est un grand succès sur le plan des médias, sur le plan d'une certaine efficacité. Il a peut-être ruiné l'Iran, mais il a tenu tête aux Américains, même aux Irakiens. Voilà donc un premier exemple. Un deuxième cas pourrait se retrouver, par exemple, aux États-Unis, où les groupes, surtout protestants, je crois, les groupes protestants fondamentalistes, ont même joué un rôle dans l'élection de Reagan, et ont même mis en avant des thèmes dont les uns, après tout, sont classiques, comme la lutte contre l'avortement, mais des thèmes parfois un peu déconcertants, comme le fait de savoir si l'homme descend réellement ou non d'une créature proche du singe. Je ne sais pas s'ils vont jusqu'à dire que le soleil tourne autour de la Terre, mais enfin, il y a une remontée de fondamentalisme biblique qui est très très importante dans ce pays, où à vrai dire la religion a toujours été une force importante. Alors, je crois que il y a un phénomène catholique et un phénomène juif, je crois, qui doivent être envisagés, enfin qui ont des rapports entre eux. Le phénomène catholique ou chrétien en Europe, c'est évidemment le pape, disons. Le pape et la Pologne, qui sont tout à fait inséparables. Alors ce pape est souvent très mal vu par une quantité d'intellectuels de gauche qui lui reprochent ses positions sur la contraception, l'avortement. Sur l'avortement, bon, de son propre point de vue, il lui est difficile de parler autrement. Mais ça serait bizarre. Bon, on n'est pas obligé de le suivre. Mais enfin, sur la contraception, c'est évidemment, ça va nettement plus loin, parce que bon, après tout, en France, le pape dit quelque chose, puis les catholiques ou les autres font leur idée. Mais en ce qui concerne des pays comme le Mexique ou le Brésil, où il y a vraiment un problème de hausse démographique très rapide, il est certain que l'Église catholique aurait pu avoir un rôle utile dans la dissémination de la contraception. Bon, on dira que c'est pas son rôle, enfin. Mais quoi qu'il en soit, ce pape, à ses points mis à part, joue un rôle, je crois, tout de même utile dans un certain refus du totalitarisme venu de l'Est, et on ne peut pas dire que du point de vue social, en tout cas, il soit un réactionnaire. Enfin, quand il s'intéresse au problème du tiers-monde, mis à part ce problème évidemment énorme de la limitation des naissances, les propos qu'il tient ne sont pas particulièrement choquants pour une oreille de gauche, bien au contraire. Alors, évidemment, la chose très intéressante, c'est ce qui se passe en Pologne, c'est-à-dire que, et c'est inséparable, bien sûr, du pape polonais actuel, c'est-à-dire qu'il apparaît que dans un régime totalitaire, non pas du tout socialiste, c'est complètement idiot de parler des pays socialistes, des pays de l'Est, non, ce sont des pays communistes ou des pays colonisés par dominés par la Russie, comme nous l'étions, nous, par l'Allemagne pendant l'occupation. Il faut tout de même rappeler les faits n'est-ce pas, Kania convoqué à Moscou, c'est Pierre Laval convoqué à Berlin ou convoqué pendant l'occupation. C'est le fonctionnaire du comité central polonais disant s'il le faut, nous allons appeler les Russes. C'est Pierre Laval disant je crois à la victoire de l'Allemagne. Bon, eh bien, en Pologne, la domination d'un système totalitaire imposé de l'extérieur, qui ne mord pas vraiment sur la population, et la coexistence d'une église à la fois traditionnelle, mais qui constitue un abri incontestable pour les libertés, pour une contre-société, est un phénomène passionnant. C'est-à-dire qu'en Pologne, cette église, toute traditionnelle qu'elle soit, est au fond un peu, n'est-ce pas, comme dans la Vierge de Miséricorde au XVIIe siècle, qui étendait son grand manteau sur la terre entière, est un peu le manteau sous lequel s'abritent les personnes qui veulent défendre les libertés, les ouvriers grévistes, et les quelques juifs qui ont pu survivre et qui veulent défendre les libertés, etc. C'est une situation complètement paradoxale, et évidemment le spectacle de ces ouvriers en grève se confessant, assistant à la messe avec des prêtres en surplis qui font rêver nos curés à blouson des banlieues françaises, est évidemment absolument fascinant pour quelqu'un qui sait ce qu'est qui connaît l'histoire du mouvement ouvrier au 19e siècle. Alors reste effectivement ce retour à des valeurs religieuses chez des intellectuels juifs et chrétiens, et parfois du reste qui conjuguent les deux religiosités, comme dans le cas de quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, qui s'intéresse à la fois aux valeurs juives et chrétiennes. Je crois que, même si c'est plus limité, cela s'inspire un peu des mêmes phénomènes. Si vous savez, Henri Lefebvre, qui est tout de même un marxiste fort compétent, a écrit, il y a bien longtemps, il y a au moins 20 ans, un petit que sais-je sur le marxisme, que vous connaissez peut-être, qui a eu un grand succès. Et au début de ce livre, il dit, au fond, il n'y a que trois systèmes, et c'est assez curieux pour l'époque d'avoir écrit ça. Il n'y a que trois systèmes d'interprétation du monde. Il y a, pour se simplifier, il y a le marxisme, le libéralisme, le christianisme, si vous voulez. Bon, ben alors, aujourd'hui, le marxisme, c'est Brejnev. Bien sûr, il y a des marxistes qui ne sont pas brejneviens, puis il y a la social-démocratie. Mais enfin, malheureusement, n'est-ce pas, il y a eu un, comment on appelle ça, OPA sur le marxisme de la part des totalitaires soviétiques. Le marxisme, c'est Brejnev. Le libéralisme, ben, c'est M. Barre, bon, mettons, qui est un homme fort respectable, enfin, ça n'excite pas les foules, si vous voulez. Et enfin, le christianisme, bon, le judaïsme, c'est un Jean-Paul II ou un tel ou un tel. Et c'est un certain nombre de valeurs. Et il est normal, au fond, que puisque beaucoup d'intellectuels ont été déçus par les valeurs marxistes, incarnées dans le brejnevisme, eh bien, ils se retournent vers des valeurs religieuses. L'église officielle française sera peut-être la dernière à le comprendre. Beat up little seagull on a marble step, trying to find a ocean, looking everywhere. Hard times in the city, in a hard time out of state. Ain't nowhere to run to, there ain't nothing here to do. Hook her on the corner, waiting for a train. Oh, Baltimore. my big old wagon, haul us all away. Live out in the country, where the mountains high. Never come back here, till the day I die. L'intelligentsia qui a accès aux médias ou qui a un nom, etc., évolue de la façon que je viens de dire, du moins pour une bonne partie. En revanche, ce qu'on pourrait appeler la moyenne intelligentsia, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le secteur de l'enseignement, les prêtres d'une autre façon, enfin tout un groupe de personnes assez vaste, a peut-être changé beaucoup moins. Il est certain que les syndicats d'enseignants, par exemple, le SNES, le SNESUP, sont toujours dirigés par des gens qui, comme selon l'expression qu'emploie un grand journal du soir, sont proches du Parti communiste. Donc ça n'a pas tellement changé. Prenez même des publications comme la Revue des Jésuites, les Études, ou le dernier missel publié par l'Épiscopat pour 81, on sent toujours passer le souffle des années 60. Ce sont toujours des gens qui sont en train de gagner la dernière guerre, ou de la perdre, je ne sais plus. De ce point de vue, le changement ne vaut peut-être pour une minorité, en réalité, qui évidemment a de l'influence. Enfin, il ne faut pas s'exagérer son action, son importance ou son influence. Make a total of these. de tous ceux qui sont écrasés et piétinés. C'est une espérance très importante pour moi en France. Un combat de plus en plus important, large, des gens de moins en moins isolés qui veulent essayer de découvrir que l'évangile, c'est d'abord aller vers les plus pauvres, aller vers les plus petits, aller vers l'étranger, et le défendre, et jusqu'au bout. Voilà. Et vivre avec eux, non pas s'occuper d'eux. J'en ai assez ras-le-bol de cette église qui parle de, dans ses intentions de prière, prions pour les pauvres n'ont rien à branler, y compris pour eux, puisqu'ils sont en dehors de l'église de toute façon. Ce qu'ils attendent, c'est que des chrétiens soient solidaires jusqu'au bout du combat pour la justice, pour les sortir des injustices dans lesquelles ils vivent, pour leur apprendre que aimer, ce n'est pas un vain mot, mais c'est quelque chose de très important. Et pour ça, il n'y a pas de baratin, on n'a pas envoyé Dieu à la gueule des autres, mais vivre côte à côte. Je crois que c'est la meilleure façon d'annoncer l'évangile, ça. Après, on annoncera Dieu, mais d'abord ça. Alors, on découvre ça, si tu veux, maintenant, c'est que on peut toujours envoyer notre cas, mais notre morale dans les églises, ça ne sert à rien. C'est que annoncer Jésus-Christ, c'est faire comme lui. Lui qui est né comme un minable et qui est mort entre deux gangsters de son temps. Et pour moi, c'est la chose la plus merveilleuse. Et je voudrais que l'église soit comme ça. Alors là-dedans, tu sais, l'image de l'église, moi je vois le pape qui est venu à Paris, et ben, autant j'ai aimé son voyage en Pologne, formidablement, parce que je pense que Lech Walesa, actuellement, qui est un espèce de président de la Pologne, hein, et qui est issu du plus petit ouvrier de Pologne, et qui est en train actuellement d'être à égalité avec les plus puissants de Pologne, c'est certainement grâce à Jean-Paul II et à sa présence fantastique, fulgurante en Pologne, que quelque chose est en train de naître. Je pense que dans nos pays capitalistes, la venue du pape en France, moi je serais beaucoup plus critique. Quand je l'ai vu ceinturé de dizaines de milliers de policiers partout, souvent dans des réceptions à droite et gauche, en train de saluer Valérie, Anémone et tout ça, etc. Moi, ça me donne à penser quand même que c'est pas les plus petites France. Hein. Alors il dit des choses fantastiques sur l'homme et sur Dieu, d'accord, mais je suis d'accord, mais qui pose des gestes. Et reçu comme un chef d'État, comme il est reçu, que veux-tu faire? On a l'impression d'un mania du pétrole de l'Église. Alors que finalement, Jésus-Christ, lui, est venu comme un pauvre. Le dernier des minables, il est mort entre deux gangsters, il a vécu avec des petits durant toute sa route pendant 33 ans. Je dirais aussi que Jésus-Christ l'a fermé pendant 30 ans, en vivant avec comme un menuisier, et a parlé 3 ans. Mais d'abord, il a tout bâti en vivant avec les gens. Alors je dirais aux technocrates de l'Église, à tous ceux qui sont à la tête de l'Église, que je respecte infiniment comme responsable, j'adore Jean-Paul II, je l'aime profondément, c'est mon chef, c'est le pasteur d'Église. Mais qu'il vive comme un pauvre, alors sa parole aura une puissance, à mon avis, évangélique prodigieuse. Mais il y a ce décalage d'un homme très puissant qui est passé comme un météore papal dans un espèce de cirque, si tu veux, que les petits enregistrent mal. Moi, je te parle au nom des petits que je les ai vus écouter la télévision, toi. Je vois un mec qui me disait, on dirait Travolta en robe blanche et en plus vieux. Hein. Bah, effectivement, quelle différence font-ils entre une vedette comme Carter, par exemple, je dirais comme un chef d'État. Mais lui est le pasteur d'église, et c'est le serviteur des serviteurs. Voilà. C'est ce que nous devons être. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même les discours de Jean-Paul II, en passant de Pologne, d'Irlande, etc., au Brésil. Au Brésil, c'était beaucoup plus musclé. Il se rend compte de la misère des gens, et il est coincé, mais bien coincé dans le sens évangélique du mot. C'est que, à Bogota, Paul VI avait dit quelque chose qui m'a semblé une connerie absolument prodigieuse. Il avait dit aux riches, bon, bah, écoutez, soyez un peu assez cool vis-à-vis des pauvres et tout, bon. Et les pauvres, de toute façon, le royaume de Dieu est à vous, si ça va pas maintenant, de toute façon, là-haut. Alors les pauvres répondent, mon cul, moi je veux vivre maintenant, aujourd'hui, tu comprends? Alors, c'est une nouvelle démarche de l'Église, et dans laquelle rentre Jean-Paul II de façon assez extraordinaire, c'est que il a dit au Brésil des paroles extrêmement dures et puissantes vis-à-vis des riches, vous opprimez, vous écrasez, vous piétinez. Alors là où, évidemment, il est coincé, c'est que quand des prêtres religieux religieuses disent, bon, eh ben, il faut prendre les moyens violents maintenant, parce qu'on a tout arrêté. Ce que j'ai trouvé, tu vois, de merveilleux au Nicaragua, c'est le fait que ce sont des chrétiens qui ont pratiquement redonné leur indépendance au pays en s'armant. Certainement, les larmes aux yeux, le fait de tuer d'autres personnes, mais ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus... Somoza avait quand même pris les deux tiers du pays à son propre compte. Il est parti avec 500 milliards d'anciens francs, c'est débile. Il restait pratiquement plus rien. Il avait asséché, bouffé le pays. Ce sont des chrétiens qui ont pris en main leur lutte et qui ont sauvé le pays. Il y a deux choses que j'ai, une chose que j'ai pas aimée, une chose que j'ai beaucoup aimée. C'est que un seul, le Monseigneur Bravo, un évêque, qui lui a été foutu à la porte par Somoza, parce qu'il était très, très dangereux, il attaquait très violemment Somoza, en lui disant les quatre vérités dans la gueule, donc il l'a expulsé évidemment. Mais que le haut clergé de ce pays, deux mois avant l'indépendance, quand elle était inéluctable, est passé à ce moment-là au rang des insurgés. Mais les chrétiens, depuis longtemps, n'avaient pas attendu pour prendre les armes et chasser tous ceux qui les oppressaient. Une chose merveilleuse après, c'est qu'ils ont fait une amnistie générale et un pardon absolu. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Au lieu de retomber dans un bain de... Ça, c'est profondément chrétien. Ils ont dit aux anciens bourreaux qui étaient là, vous pouvez rester, on vous pardonne, on ne va pas vous torturer à notre tour, on ne va pas vous emprisonner, etc. Je trouve que c'est profondément saint et chrétien. Opinion, un avocat, Georges Guegemann, un prêtre, Guy Gilbert, un libraire, Daniel Cohn-Bendit, un journaliste, Philippe Boucher, un professeur, Emmanuel Leroy-Ladurie. Archives, phonothèque de l'INA, Paulette Marizier. Ce soir, au studio, Gérald Vanhove, Francis Lefebvre, Mehdi Alhadj, Laura Adler. Demain, les vertiges de la décennie. Musique, Einstein on the Beach. Cette émission était la quatrième d'une série de cinq, première diffusion sur France Culture le 8 janvier 1981. Vous pouvez la réécouter en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.